Très bel après-midi, tout de suite, Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, théorie et action. L'homme est le seul animal qui réalise ses rêves. De la prison au plein air. Je puis sans doute me dispenser de vous rappeler l'état actuel du monde. L'apprentissage de la pensée. Le défaut majeur de notre civilisation industrielle basée sur l'expansion est qu'elle ne peut durer. L'univers entier est traversé par le processus de l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire de la dissipation irréversible de l'énergie. Quand toute l'énergie sera dissipée, dispersée, dégradée, entropisée, vous mourrez. L'homme fabrique des objets pour faire en sorte qu'ils accordent plus d'importance à leur téléphone portable qu'à leur gosse. Si l'on rapporte l'histoire de notre planète à une journée de 24 heures, l'homme est apparu dans les 5 dernières secondes. Et l'époque de l'Anthropocène serait apparue dans les 2 derniers millièmes de seconde. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Bonjour, donc je m'appelle Jean-Robert Vialet, je suis réalisateur et le réalisateur du film Le Grand Dérèglement. Vous savez que c'est une émission fort honnête. En général, nous ne recevons pas des réalisateurs qui ont subi des procès. Or, vous, j'ai appris que c'est une chose que vous aviez connue. Pour tout vous avouer, l'émission a parfois quelques soucis juridiques, relativement rares, mais voilà, ça arrive. Pour vous, ça concernait un travail que vous aviez fait et dont nous avions eu l'occasion de parler dans Histoire vivante, non pas avec vous, mais avec votre producteur, Christophe Nick. Il s'agissait d'un film fort intéressant dont je vais rappeler en quelques mots le sujet aux fidèles auditeurs. Il s'agissait du temps de cerveau disponible, formule célèbre, qui racontait, si je puis dire, l'histoire de l'implantation dans la télévision des jeux de télé-réalité et ce que leur mise en spectacle pouvait bien représenter. Bernard Stiegler, qui était notre invité de la semaine, était notamment présent dans votre documentaire. Il alarmait le public en parlant à votre caméra et vos micros de guerre civile. Aujourd'hui, vous arrivez avec Le Grand Dérèglement. J'aimerais bien que vous puissiez peut-être nous tisser avec ces deux exemples, et peut-être aussi La mise à mort du travail, dont nous parlions juste avant hors antenne, le fil de votre travail, le fil conducteur. Alors, le fil d'un travail comme ça sur quelques années maintenant, ça fait quand même peut-être pas loin de 15-20 ans que je fais des documentaires, c'est toujours complexe et des méandres. Le fil de mon travail, il s'appuie surtout sur des questionnements très simples, anodins, classiques, des questionnements d'un monsieur tout le monde que je suis, c'est-à-dire que je vais retrouver dans une lire quelque chose, vivre au quotidien avec ma famille, mes enfants, et me poser une question. Et chaque film, pour moi, c'est tenter de répondre à une question. Alors effectivement, ces questions-là sont quand même toujours des questions qui tournent autour de l'époque pendant laquelle j'ai grandi, moi, la plupart du temps, jusqu'à là, en tout cas. Donc La mise à mort du travail, c'était vraiment un film qui, en 3 épisodes, pour questionner le monde du travail actuel, les méthodes de management qui se développaient dans les entreprises contemporaines, avec toujours effectivement des questions sur la problématique du capitalisme financier et du système économique libéral que nous connaissons depuis maintenant le début des années 80, c'est-à-dire ma jeunesse. Le temps de cerveau disponible, ça questionnait les médias et la télévision, effectivement, avec l'arrivée de ces machines à capter de la pulsion que sont les émissions de télé-réalité. Là aussi, ça questionne au fond la pensée libérale, dans la mesure où l'invention de la télé-réalité, c'est l'invention au fond de la possibilité pour des chaînes de réussir à capter de manière ahurissante un public sur des choses profondément inintéressantes en soi, mais effectivement très très accrocheuses que sont la télé-réalité. Voilà. Pour Le Grand Dérèglement, il s'est passé autre chose. J'ai donc fait mon chemin et puis petit à petit, je me suis dit, mais au fond, toute cette problématique écologique dont on entend parler tous les jours maintenant, qui n'était pas du tout présente quand on était, quand moi j'étais par exemple étudiant, elle est actuellement donc présente absolument partout. Et puis je me suis dit, au fond, comment, qu'est-ce qu'on m'a raconté comme histoire à l'école, comme histoire du progrès? Est-ce que on m'a raconté une histoire du progrès qui prenait déjà en compte tous les risques, tous les effets secondaires de la course au progrès? Je me suis dit, non, finalement, peut-être qu'il serait intéressant, pas de faire un film sur l'écologie ou sur les questions écologiques ou environnementales, sur la crise De plus, il y en a beaucoup, et c'est très important qu'il y en ait encore, effectivement, mais pas sur les catastrophes à venir, sur les problématiques du réchauffement, mais je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment comprendre le comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire qui nous permettrait de, au fond, comprendre les processus historiques qui font qu'aujourd'hui on est confronté à cette situation? Et je suis tombé sur un livre exceptionnel, qui est le livre de deux chercheurs français du CNRS, qui s'appellent Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil. Tous deux historiens des sciences, absolument, qui s'appelle L'événement anthropocène. Et ça a été donc le début de cette histoire. Ça a été le Eureka, donc. Le Eureka, voilà. Ce livre a été le Eureka, donc c'est un livre de scientifiques, accessible mais complexe, chargé, et j'ai donc commencé à travailler à partir de ça, à partir de cet ouvrage, et de petit à petit que j'ai accompagné d'autres écrits, et j'ai travaillé comme ça théoriquement sur la théorie à l'écrit pendant presque une année pour arriver à trouver une manière de raconter une histoire sur 200 ans qui nous raconte le comment on en est arrivé là. Les hommes et les femmes que nous sommes deviennent chaque jour des consommateurs de plus en plus gourmands, compulsifs et nombreux. Les pays riches ont dopé leur économie malgré une stagnation de leur productivité et des salaires par un surcroît de consommation permis par l'endettement, les prix bas du pétrole, des matières premières et de la main-d'œuvre asiatique. L'histoire, notre histoire est celle-ci. Celle d'une course effrénée. Celle de deux siècles de passion, de sueur et de sang. Dans ces deux siècles, les volontés de puissance ont déchaîné les innovations technoscientifiques, aussi brillantes que destructrices. Dans ces deux siècles, une course à l'accumulation de richesses a creusé des inégalités de plus en plus profondes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Dans ces deux siècles, la consommation est devenue le moteur économique et l'antidote à la contestation sociale. On va effectivement venir à la forme, mais un peu plus tard peut-être, si vous le voulez bien, Jean-Robert Vialet, on va peut-être commencer par les problèmes qu'un sujet comme cela peut poser à un réalisateur comme vous. C'est-à-dire que vous ouvrez et vous dépliez des concepts qui vont pas de soi, une densité historique qui, elle aussi, n'est pas forcément aisée à traiter, surtout que vous travaillez dans un format qui, au contraire du livre, a l'obligation d'être fini, enfin tout au moins fini dans le temps, en l'occurrence 90 minutes pour votre opus. Comment avez-vous travaillé, et puisqu'il vous a fallu faire des choix, comment avez-vous opéré vos choix? J'ai travaillé quand même très, très, vraiment à partir du livre au départ, hein, à partir de l'événement anthropocène, à partir de leur livre. J'ai fait un premier travail d'extraction, au fond, de toutes les histoires qui m'intéressaient dedans et dans lesquelles il y avait du concret. Donc le ciseau et la colle. Le ciseau et la colle, voilà, au départ. Mais parce que leur façon, eux, de raconter leur vision de l'anthropocène et cette histoire-là, elle n'est pas chronologique. Et moi, j'avais besoin pour le film, pour ne pas faire un film qui soit purement théorique, mais qu'on arrive à y mettre une histoire dans le film, j'avais besoin de retrouver une certaine part de chronologie. Donc, j'ai utilisé le ciseau et la colle et j'ai commencé à extraire des éléments du livre, etc. À partir de là, j'ai travaillé à une première rédaction de tous ces éléments-là, sur donc 200 ans d'histoire, des événements, les uns derrière les autres, cousus comme ça, sur 200 années, qui permettent de raconter l'évolution, le progrès et ses effets secondaires. Qui permet de raconter surtout, au fond, le capitalisme industriel et ses effets secondaires. Et puis, j'ai commencé à travailler avec eux, plutôt que de les utiliser, comme on fait souvent en télévision, comme des conseillers scientifiques. J'ai proposé, en fait, à ces deux chercheurs d'être co-auteurs du film et qu'on travaille vraiment à l'écriture ensemble, à faire des allers-retours. Ce qui a été une démarche qui est stimulante, j'imagine. Très stimulante, peu courante, hein, vraiment en documentaire, en télévision, mais très stimulante et très amusante pour nous tous, parce qu'effectivement, on vient chacun avec nos langages, nos passés, nos façons de raconter. Et pour moi, l'excitation de travailler avec eux et de pouvoir accéder, au fond, de voir se déplier devant moi toutes leurs connaissances. Et pour eux, l'excitation aussi de profiter de ce qui allait être le travail, c'est-à-dire aussi l'accès à des archives, à ce qu'on sait faire nous les documentaristes quand on fait un film d'histoire, accéder à des archives incroyables, historiques, sur des très longues durées. Voilà. Ici, non loin de la capitale allemande, on utilise pas moins de 2 tonnes de dynamite pour niveler le terrain, déterminant ainsi de formidables explosions. Inside of 24 hours, 1/20th of a freighter or a tanker can be built. In one day, one plant unit can turn out enough rifles to equip a battalion of infantry, the men who, in one day, might win a war or lose it. Jean-Robert Vialet, ceux qui nous écoutent peuvent peut-être être surpris, d'autant qu'ils n'ont pas encore vu votre documentaire, Le Grand Dérèglement, qui sera diffusé dimanche soir sur RTS2. Mais quand vous dites « il y a 200 ans », c'est comme si vous laissiez entendre que l'histoire de l'humanité a commencé lundi matin. Or, on ose prétendre, surtout quand on s'intéresse à des périodes précédentes, couvrant aussi bien l'Antiquité, le Moyen-Âge ou ce que vous voudrez, qu'il y a des semaines dernières, voire même des mois précédents. Alors, pourquoi il y a 200 ans ? Alors, il y a tout un débat en ce moment dans la communauté des scientifiques et particulièrement des géologues sur la question anthropocène. Alors le mot, il n'est pas encore connu de tout le monde, mais il commence petit à petit à se répandre et être de plus en plus utilisé par des scientifiques, mais aussi par des artistes, par des intellectuels, par des journalistes, etc. Donc l'anthropocène, c'est l'ère de l'homme. Voilà. Et c'est de ça dont il s'agit. Le point de départ de leur livre, l'événement anthropocène, et le point de départ donc de mon film, c'est l'anthropocène. Et il y a toute une discussion sur la datation de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est donc un changement d'ère. ERE, on précise bien, voilà, même ça. Si ailleurs aussi. Ce dont les scientifiques, je suis obligé de faire cette petite introduction, excusez-moi pour qu'on comprenne, mais jusqu'à récemment, la Terre, le système Terre, était dans une période qu'on appelle l'Holocène, qui a commencé il y a 11 500 ans. Là, subitement, depuis quelques années, les scientifiques réfléchissent et se disent, en fait, nous serions rentrés dans une nouvelle période de la Terre qu'on pourrait appeler l'Anthropocène. Nouvelle période de la Terre, une période où l'homme serait devenu la force tellurique qui domine toutes les autres, au fond. Voilà. La principale puissance qui transforme, change, manipule le système Terre. La question, c'est de dater l'Anthropocène. Il y a plusieurs discussions en cours. La Société internationale de stratigraphie et de géologie va sans doute, dans l'année qui vient, acter le mot d'Anthropocène et l'effectif changement d'air. Maintenant, faut savoir que c'est un changement d'air, faut dater, trouver l'endroit, la trace géologique, etc. Donc il y a plusieurs discussions, et dans les thèses les plus suivies par la science actuellement, une partie de la communauté scientifique mondiale daterait le changement d'air au début de la période industrielle, au début de la révolution industrielle, ou on peut dire à l'invention de la machine à vapeur, le moment où la société mondiale humaine va prendre une direction qui est cette direction qui nous amène là où on est aujourd'hui et qui va profondément transformer la Terre. Donc, il y a 200 ans, c'était pour en revenir à ça, tout commence, et dans cette histoire, là où je la commence, moi, c'est avec, effectivement, l'exploitation du charbon au Pays de Galles à la fin du 18e, début du 19e siècle, l'exploitation du charbon qui va donner une dynamique aux progrès qui vont se suivre ensuite, dans les 200 ans qui vont suivre, qui vont donner une dynamique net, précise, sur l'exploitation des hydrocarbures et des sols. Quand ces images sont filmées, l'homme creuse la terre pour les besoins de son industrie depuis des siècles déjà. Le commencement d'extraction industrielle de la houille, le charbon de terre, à l'aube du 19e siècle, marque le début de l'exploitation des énergies fossiles hautement productrices de CO2. Une exploitation massive responsable de l'abîme environnemental auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Cette aventure n'a pas débuté en Russie, en Allemagne, en France, ni même aux États-Unis. Elle a débuté en Angleterre. À la fin du XVIIIe siècle, le prix du bois s'envole partout en Europe occidentale. Les forêts, exploitées toujours plus intensément pour approvisionner les foyers, les forges, les ateliers et les petites industries de l'époque n'y suffisent plus. Les forêts dépérissent. Les savants s'alarment. Que faire face à la pénurie de bois? Comment lutter contre la déforestation et son cortège de désastres? Érosion, glissement de terrain, inondation et même déjà changement climatique. Jean-Bert Vialet, on vient d'entendre un extrait de votre documentaire Le Grand Dérèglement à voir dimanche soir sur RTS2. Vous nous disiez dans la première partie de l'entretien à partir de quelle matière vous aviez travaillé, non seulement la matière livre, l'Anthropocène, la Terre, l'historien et nous, mais également leurs auteurs, deux historiens des sciences, deux jeunes historiens, que l'on peut trouver d'ailleurs largement présents sur le net au travers de différentes conférences qu'ils ont pu donner, auxquelles je me suis intéressé, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressot. C'est avec eux que vous avez pu écrire à six mains, en quelque sorte, ce concerto qui sera donné à entendre et voir dimanche soir. Voir, parce que c'est ça qui est assez stupéfiant, on parlait tout à l'heure de quelle forme donner à ça, c'est que vous avez choisi délibérément d'aller puiser dans des trésors, de véritables trésors d'archives. Alors, qu'on comprenne bien, on en a entendu un extrait, donc on a entendu la voix d'un acteur, Jacques Bonnaffé, on en parlera tout à l'heure, donc un côte à côte d'un texte que vous avez écrit à plusieurs mains, rédigé à partir de cet ouvrage et sur lequel il s'agit après, en contrepoint, de mettre des images qui soit répondent, soit anticipent. Racontez-nous un peu, peut-être, là, avant qu'on y aille, avant qu'on le découvre, donnez-nous un peu l'envie et le goût de ça. Dès le départ, une des motivations importantes, c'est de donner à comprendre l'histoire qu'on raconte, mais c'est aussi d'aller chercher les plus belles pépites, de se dire, on va pouvoir retourner dans les archives mondiales et essayer de déterrer des choses formidables et surtout de mettre en dynamique au montage des images de, essentiellement, là, moi j'utilise essentiellement des images filmées, un tout petit peu au début du film, des gravures et des éléments comme ça, mais essentiellement des images filmées, c'est mettre en dynamique 100 ans d'images filmées avec toute la saveur que ça comporte. Ça veut dire que vous dites, pardon de vous interrompre, mais à votre recherchiste, à votre archiviste... Emmanuel Iacobi, oui. Voilà, alors il faut l'applaudir vraiment à deux mains, parce qu'à la fin de travail, elle a dû s'arracher les cheveux à maintes reprises. C'est des mois et des mois et des mois de travail, c'est un travail monumental. Elle est allée puiser dans... Alors, il y avait l'archive industrielle... L'archive évidemment militaire, l'archive... Effectivement, quand on traverse ces 200 ans d'histoire, on traverse les guerres, donc les archives militaires, on traverse les archives, la formation, les archives pour l'information, donc là, les classiques, les informations qui étaient au cinéma, mais aussi on va chercher dans les archives de propagande, dans toute la période de la guerre froide où il y a énormément d'archives de films de propagande qui sont produits et par les États-Unis et par le Bloc de l'Est et par l'URSS, on va chercher dans les archives privées d'entreprises qui font de la communication et de la pub. Par Alors exemple, ça, je donne un exemple d'une pépite qu'elle a trouvée extraordinaire. Un document qui est une comédie musicale produite à Broadway dans les années 50, qui est filmée à l'époque, donc c'est une comédie musicale au théâtre, en fait, qui est une comédie musicale entièrement financée par l'entreprise Dupont, qui a comme objectif de vanter les mérites du plastique, où on voit donc 8 danseurs, hommes et femmes, chanter de la comédie musicale, d'ailleurs de très bonne facture, en anglais, et tout en vantant les mérites du plastique. Le plastique est partout, le plastique est dans vos téléviseurs, le plastique est dans vos verres, le plastique est dans vos assiettes, le plastique est dans vos vêtements, etc. Bon, c'est tout à fait savoureux quand on voit aujourd'hui se déployer autour de nous les continents de plastique en mer, les déchets plastiques partout. Et donc ça, par exemple, c'est une archive privé d'entreprise, extrêmement difficile à trouver parce que c'est des choses très mal répertoriées et que ça s'est passé à un moment donné, ça a été produit à Broadway et il se trouve que dans un fond, quelque part en Angleterre, elle a trouvé cette archive qui avait été conservée et qui est le filmage de cette comédie musicale. Voilà, ça, comment elle l'a trouvée ? C'est-à-dire qu'il y a une première phase de recherche dans le travail de l'archive, de recherche, on va dire, assez classique. On va puiser dans les fonds classiques. Alors, pour les fonds militaires en France, on va puiser à l'ECPA ou à la NARA aux États-Unis. Pour les fonds d'information, on va chez Pathé Gaumont ou chez leurs alter ego anglo-saxons, américains ou d'ailleurs. Et puis après, on se rend compte qu'il existe des dizaines de milliers d'endroits, d'organisations, d'associations qui conservent de l'archive, qui les numérisent aujourd'hui, etc. Donc c'est un travail de fourmi. Parfois, c'est la magie de la recherche, c'est-à-dire de... Une fois, vont dire, la première étape, la première recherche classique passée, il n'y a plus vraiment de règles. C'est par le truchement des contacts, des emails envoyés. C'est l'aliment des étoiles. C'est l'aliment des étoiles, des coups de téléphone, Mais dès le début et dès la première phase d'écriture, on a lancé avec le producteur la recherche d'archives tout de suite. Ce qu'on fait rarement, en fait. Donc, dès le début, parce que les deux historiens des sciences en question, Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, ce sont des historiens. Et eux, ils travaillent sur documents. Et donc, il y avait un intérêt à commencer, avant même d'avoir fini l'écriture, il y avait un intérêt à commencer à déterrer des documents qui allaient pouvoir nourrir l'écriture, influencer même la thèse, puisque les documents font documents, historiquement. Donc la documentaliste Emmanuelle Iacobi, elle a commencé tout de suite, dès la deuxième phase d'écriture, elle a commencé à chercher et à faire déjà un énorme travail de recherche d'archives que nous, à l'écriture, nous visionnions. Donc là, on visionnait comme des rushs, mais des quantités énormes d'archives, en se disant « Mais ah, c'est formidable, c'est ce document-là, le document dont je vous parlais sur le plastique, par exemple, qui est un document rare, mais d'autres choses plus étonnantes. » Tiens, je vous en donne une. Levittown, parlez-nous de ça. Ah voilà, les Levittown. Alors par exemple... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors Levittown, c'est très intéressant, c'est le début de la périurbanisation. Et la périurbanisation dans l'histoire de nos sociétés et dans l'histoire de l'Anthropocène, et puis dans l'histoire de la pollution, du dégagement de CO2, n'y est pas pour rien. La périurbanisation, c'est l'association, l'addition de l'habitat qui s'étale, donc qui mange du territoire autour des villes, et de l'automobile. Voilà. Il faut quand même savoir que la périurbanisation, donc toutes les villes nouvelles autour de France, partout, aux États-Unis, etc., ça commence que dans les années 50. Avant, ça n'existe pas. Le monde périurbain. Ouais. Soit la ville, soit la campagne. Soit la ville, soit la campagne. Voilà. Et là, le périurbain va se développer dans les 50. Comment le périurbain et pourquoi le périurbain va se développer dans les années 50? Parce que, aux États-Unis, juste après-guerre, il y a 14 millions de GI qui vont rentrer du front. 14 millions de GI qui rentrent avec des pensions et qui vont pouvoir, théoriquement, économiquement, accéder au logement. Ce qui n'était pas forcément le cas pour tous avant la guerre. Donc, ils vont pouvoir accéder au logement. Mais aux États-Unis, pendant la guerre, l'effort n'a pas du tout été mis sur la construction et sur le logement. L'effort a été mis sur l'effort de guerre, sur la fabrication de matériel militaire. Donc il y a une énorme pénurie de logements dans l'Amérique des années 50. Et là, il y a un gars qui s'appelle William Levitt, qui revient du front aussi, qui était dans des troupes de logistique qui s'appelaient les CBs, donc qui s'occupaient de construction des bases provisoires militaires, etc. Et donc qui a appris à construire, sur la base de matériaux préfabriqués, de construire des bases militaires un peu partout dans le monde. Et il revient du front en se disant, mais... Bon sang, mais c'est bien sûr. On a une pénurie de logements aux États-Unis, on a des manifestations partout, à Détroit, à Chicago, ça, on a des vétérans qui vivent dans des caravanes, dans des habitats de fortune, etc. Mais et si je construisais du logement comme on le faisait pendant la guerre et comme et au fond même en m'inspirant des outils de production fordiste, c'est-à-dire du travail à la chaîne, et plutôt que de construire une maison par maison, on va créer une chaîne de maisons, une chaîne à ciel ouvert, et on va construire méthodiquement d'abord les fondations de 1000 logements, et puis ensuite les murs, et puis ensuite les toits. Il achète un terrain à Long Island, un premier terrain à Long Island, et il va construire en quelques années des dizaines de milliers de maisons à une vitesse interdite. Il y a 17 000 maisons en deux ans dans le commentaire. 17 000 maisons exactement en deux ans. C'est vertigineux. Sur un terrain de Long Island. Voilà. Et il invente donc, William Levitt, il invente au fond la construction préfabriquée dans le périurbain, qui est qui va en plus s'acoquiner parfaitement avec la circulation automobile, les voies de circulation, le développement des supermarchés dans le périurbain, donc toute la dynamique de la consommation de masse qui va démarrer. Donc on est voilà dans les années 50. Bon, ça c'est complètement dans notre histoire du progrès, dans notre histoire passée, c'est un moment très concret. Vous avez les images. Et on a les images, parce qu'effectivement, à l'époque, c'est tellement ahurissant ce qui se passe, c'est que, effectivement, l'entreprise Levitt fait filmer ses réalisations, au tout début des années 50, et puis même des journalistes s'y intéressent et filment ces constructions de maisons à la chaîne. Voilà. Donc, et les images sont absolument savoureuses parce que elles sont commentées, donc il y a la tonalité, la texture de l'époque, les gens au travail, enfin c'est tout à fait savoureux. Le milieu du XXe siècle marque le début de ce que les penseurs de l'Anthropocène nomment la grande accélération. C'est un point de bascule pour la planète, un changement de régime d'existence de la Terre. C'est l'aube de l'ère nucléaire, c'est l'époque du pétrole peu cher, du plastique omniprésent, de l'amiante, du béton qui coule en masse, de centaines de milliers de nouvelles molécules chimiques et de biocides. C'est un point de bascule pour la déforestation, le climat, l'acidité et l'épuisement des océans. C'est enfin le début de la consommation de masse qui s'étendra bientôt à des millions, puis à des milliards de personnes. Et un autre chapitre aussi tout à fait passionnant, c'est celui qui, en matière d'électricité, finit par opposer le solaire au charbon avec la victoire de ce dernier. Mais alors là, cette histoire peut se raconter, c'est-à-dire que elle est très liée d'ailleurs à Lévite, c'est la suite de l'histoire. Vous avez en même temps, à la fin des années 40, à la fin de la guerre, aux États-Unis, un énorme effort par contre sur le financement du solaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut maximiser la part de pétrole envoyée au front, la disponibilité du pétrole pour la guerre. Et donc le gouvernement américain, dans les années 40, va financer le solaire. Et vous avez en 1948, au MIT, une femme extraordinairement avancée, qui crée en 1948 la toute première maison autonome en énergie à 75%. On est en 1948. C'est tout à fait prometteur. C'était il y a 60 ans. Il y a 60 ans, on travaillait sur la maison électrique autonome en énergie avec des systèmes de chauffe-eau solaire, enfin de récréation. 70 ans. Il y a 70 ans. Vous avez donc d'un côté ces gens qui travaillent sur le solaire. Maria Telkes, donc cette chercheuse du MIT, n'est pas seule. Dans d'autres universités, d'autres gens travaillent, etc. Vous avez d'ailleurs aux États-Unis, par exemple dans la Floride des années 50, des années même 40, vous avez pratiquement 80% des habitations en Floride qui sont équipées en chauffe-eau solaire. Donc ça marche, je veux dire. Donc ça marche. C'est une mode, c'est parce qu'il y a beaucoup de soleil en Floride et que ça coûte moins cher que le câblage au réseau électrique et que parfois même c'est pas possible de se câbler. Mais quand le périurbain, quand les Levittown et tout le périurbain se développe aux États-Unis, les promoteurs d'électricité voient ces deux choses se passer, c'est-à-dire des grandes zones, de la production de logements en masse qui est en train de se faire. Et puis en même temps, de l'autre côté, des gens qui sont en train de développer le solaire et qui pourraient faire qu'on se passe du câblage, du raccordement au réseau électrique. Et donc vous avez à avoir une campagne extraordinairement agressive des grands producteurs d'électricité américains, concrètement General Electric, et puis les grands équipementiers comme Westinghouse, qui vont faire une campagne dans les médias, partout, avec de la même manière que Dupont pour le plastique, avec des clips de musique de l'époque, etc., qui vont faire une campagne extrêmement agressive pour inciter les gens à raccorder leur logement. Mais mieux que ça, ils vont surtout passer des deals, les grands fournisseurs d'électricité, donc General Electric, vont passer des deals avec les promoteurs immobiliers pour l'installation de compteurs électriques dans les maisons que les promoteurs construisent en masse, donc, avec l'obligation pour l'acheteur de la maison d'utiliser le compteur sous forme d'abonnement, un peu comme le téléphone portable d'aujourd'hui. Vous voyez, vous achetez un abonnement, vous avez le droit de téléphoner un peu illimité. Bon là, vous achetez une maison, vous avez de toute façon l'obligation d'utiliser l'abonnement. Donc les équipementiers électriques vont, et les fournisseurs d'électricité vont comme ça court-circuiter le mouvement du développement du solaire. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Sans mauvais jeu de mots, c'était pas fait exprès, en raccordant en masse les logements. Et progressivement, bah forcément, le développement du solaire va être partiellement abandonné. J'ajouterais une autre et dernière cerise à ce gâteau qui doit forcément, vous qui nous écoutez, vous donner envie. Si vous avez envie de voir Lino Ventura, Louis de Funès et Jean-Claude Brialy dans une de ces nombreuses archives sélectionnées par Jean-Robert Vianney avec son archiviste, eh bien, jetez-vous donc sur ce documentaire dont vous allez nous rappeler le titre. Le Grand Dérèglement. C'est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Tsallen, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.